بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة on poursuit donc cette série de cours concernant la zakat en abrégé. Et avant de poursuivre, je voulais faire deux trois remarques. D'abord, la première, c'est que j'ai fait une erreur dans un des cours précédents. J'ai fait une erreur dans un des cours précédents et il est important donc de corriger cette erreur. C'est que j'avais dit que le sa, donc qui est l'unité de mesure pour certains produits, pour les graines, comme pour le riz par exemple. J'avais dit que c'est environ 2 kilos et ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que Cheikh Ibn Taymiyyah, lui il a estimé ça, Cheikh Ibn Taymiyyah a estimé ça à 2 kilos 40. Il a estimé le ça à 2 kilos 40. Et la Lejna Daima, donc eux ils avaient donc fait la fatwa que c'est mieux de donner 3 kilos. De donner 3 kilos par exemple, comme pour Zakat el-Fitr par exemple, de donner 3 kilos parce que avec 3 kilos on est sûr que l'objectif est atteint, même s'il y a un peu plus, c'est pas grave. Avec 3 kilos on est sûr et certain d'avoir atteint un sa'a. Donc le plus sûr, donc le plus juste, c'est que c'est environ 3 kilos. Le plus juste, c'est de dire que le ça, c'est environ 3 kilos. Donc, ça, c'est un peu moins de 3 kilos. Donc, voilà. Et c'est important de clarifier ça. Donc, j'avais dit ça dans un des cours précédents. Et c'est important de clarifier ça pour pas que cette erreur reste et se propage. Et il faut savoir que le ça, donc, il y a une divergence par rapport à ça parce que ça peut diverger d'un pays à un autre parce que ça représente donc 4 modes. Le ça, ça représente 4 amdad. Et le mode, c'est ce qu'il y a donc entre ce que contient les deux mains regroupées, ce que contient les deux mains regroupées d'une personne de corpulence moyenne. Ce que contient les deux mains regroupées d'une corpulence moyenne. Et ceci 4 fois. Donc le sa, c'est 4 amdad. Et un mout, c'est donc ce que contient les deux mains regroupées d'une personne. Donc le contenu des deux mains regroupées d'une personne de corpulence moyenne, c'est ça donc un sa. C'est ça donc un sa 4 fois. Lorsqu'on fait ça 4 fois, c'est ça donc un sa. Et ce contenu donc peut être différent d'un pays à un autre, d'une région à une autre, parce que la corpulence des gens, par exemple aux États-Unis, c'est pas la même corpulence que les gens au Japon, et la corpulence des gens au Congo, en Afrique, c'est pas la même corpulence que les gens en Somalie, et c'est pas la même corpulence que les gens en Chine, par exemple. Donc, si on prend la corpulence de quelqu'un, la corpulence moyenne dans une région, ça peut être différent de la corpulence moyenne dans une autre région. Et donc le mood peut varier légèrement d'un endroit à un autre. Donc c'est donc pour ça que la Lejna Daima, ils ont donc décidé de mettre à 3 kilos. Comme ça, on est sûr que quel que soit l'endroit où on se trouve, on atteint donc le maqsoud, on atteint donc l'objectif. Donc voilà, c'est important de le préciser. Autre chose donc, autre chose avant de poursuivre, il y a une précision importante que j'aimerais. Il y a un octa, donc il y a un point sur lequel j'aimerais m'arrêter. C'est le fait que le voyageur en détresse, il faut savoir que le voyageur en détresse, c'est celui qui n'a pas la capacité d'avoir accès aux moyens lui permettant de poursuivre son trajet. Donc, le voyageur en détresse, c'est quelqu'un donc qui n'a pas les moyens d'avoir accès, donc il n'a pas la capacité d'avoir accès aux moyens lui permettant de poursuivre son trajet. Mais s'il a cette possibilité ou cette capacité, comme quelqu'un par exemple qui peut appeler, quelqu'un par exemple, il peut appeler pour qu'on lui envoie de l'argent et il peut recevoir cet argent pour poursuivre son chemin. Celui-là, donc, il n'est pas compté parmi donc les voyageurs en détresse. Donc, il n'est pas donc Ibn Sabil. Donc, on ne doit pas lui verser l'argent de la zakat. Donc, il faut vraiment quelqu'un en détresse au point où, si on ne l'aide pas, il n'a pas les moyens ou les capacités d'arriver à destination. Par exemple, quelqu'un, il a perdu tout son argent pendant son voyage ou il a été victime d'un vol et il n'a aucune possibilité d'avoir accès à une autre somme, d'avoir accès à une autre somme lui permettant de continuer son voyage jusqu'à destination. Mais si par exemple quelqu'un est dans ce cas et puis bon, il a de l'argent. De là où d'où il vient, il a de l'argent, où il a de l'argent dans son pays, et puis il a la possibilité qu'on lui envoie de cet argent-là, il peut appeler sa famille, il peut appeler sa famille, ses proches, on lui envoie de l'argent et il poursuit son chemin. Celui-là donc n'est pas concerné, celui-là n'est pas concerné donc par l'argent de la zakat et il n'est pas permis donc de lui verser de cet argent. Autre point important sur lequel j'aimerais m'arrêter avant de poursuivre, c'est très important aussi, je souhaitais m'arrêter sur le cas de l'esclave, le cas de l'esclave que je n'ai pas pu développer lors du cours précédent. Donc il y a certaines remarques importantes que je n'ai pas pu faire lors du cours précédent par manque de temps, mais il est important, très important de faire de s'arrêter sur ce sujet et de faire remarquer que les jugements qu'on a vus concernant l'affranchissement de l'esclave musulman qui fait donc partie. Donc, ce qui fait donc partie des bénéficiaires de la zakat, donc l'affranchissement de l'esclave musulman. Ce point donc qu'on a vu, c'est une réfutation claire à l'encontre de tous ceux qui cherchent à attaquer l'islam par cette voie et par ce biais. Et ils brandissent ce qu'ils appellent donc l'esclavage arabo-musulman. Et donc, ils essayent donc d'attaquer l'islam par cette porte. Comme par exemple les adeptes de l'idéologie panafricaniste, les adeptes de l'afrocentrisme, du kémitisme ou kamitisme. Donc, toutes ces idéologies-là, ce sont des idéologies donc à combattre. Ce sont des idéologies à combattre, tout comme le tribalisme, le nationalisme, le panarabisme. Donc toutes ces idéologies-là sont dangereuses parce qu'elles prônent donc des valeurs. Elles prônent des valeurs qui sont contraires à l'islam. Elles prônent des valeurs qui sont contraires à l'islam. Et elles sont donc des idéologies très dangereuses. Et le musulman n'a pas besoin de ce genre d'idéologie. Le kitab et la sunna nous suffisent comme idéologie. Et chez nous en Afrique actuellement, ces courants-là, le panafricanisme, l'afrocentrisme, le kémitisme ou kamitisme, ont pris de l'ampleur. Ont pris de l'ampleur. Et on a vu même au Mali, on a vu même au Mali les adeptes du kamitisme là brûler des Coranes. On les a vus donc brûler des Coranes. Et Walila Alhamd, les autorités là-bas au Mali, elles ont donc réprimé ces actes. Walila Alhamd. Et donc, ça montre la dangerosité donc de ces idéologies et de ces courants. Et certains peuvent être séduits, ça peut plaire. Leurs discours peuvent plaire lorsqu'ils s'attaquent à l'Occident et à l'impérialisme occidental. Parce que le fait de, par exemple, chasser la France ou l'Occident, chasser l'impérialisme occidental de l'Afrique, c'est pas nous les musulmans qui allons nous plaindre de ce fait. C'est pas nous qui allons nous plaindre de ce fait. Mais il faut faire donc attention que derrière ces discours qui peuvent être séduisants, on se laisse donc embarquer dans d'autres choses qui sont nuisibles pour notre religion, qui sont nuisibles pour notre religion. Donc c'est pour ça il est important de mettre en garde clairement, de mettre en garde clairement contre ces courants. Donc de manière globale, ce sont des courants et les discours qu'ils portent sont des discours dangereux et contraires à l'islam. Par exemple, ils ont comme discours, par exemple, que l'islam serait la religion des Arabes et une religion importée, et il faudrait donc que les Africains restent sur les croyances de leurs ancêtres, et donc ils s'attaquent aux religions qu'ils appellent religions abrahamiques. Ils s'attaquent donc aux religions qu'ils appellent religions abrahamiques, donc ils considèrent que l'islam, le christianisme ou le judaïsme, c'est des religions qu'ils appellent abrahamiques, et c'est des religions importées. Qui ont été imposés par le colon, d'après eux, et qu'ils soient donc le colon d'Occident, ou bien ils considèrent aussi que donc les Arabes, qui sont les premiers porteurs de de l'islam, qui sont les premiers porteurs de l'islam, ont donc imposé cette religion donc aux Africains, alors que les Africains avaient la religion de leurs ancêtres. Donc ils ont ce genre de discours-là. Et donc, ils ont donc cet angle d'attaque pour exacerber donc l'esprit d'appartenance chez les gens et dire donc que les Arabes, qui sont les premiers porteurs de la religion musulmane, ont esclavagisé les Africains. Et donc, ce qu'on a vu dans le cours précédent est une réplique et une réfutation claire contre ces courants et ces idéologies, car on a vu que l'islam, dans ses règles et ses jugements, n'a cessé d'encourager l'affranchissement des esclaves jusqu'à établir que l'argent de l'impôt légiféré, la zakat, soit consacrée pour cette cause. Et donc c'est pour cela que les esclaves musulmans n'ont cessé d'être affranchis par leur maître jusqu'à ce que ce fait disparaisse presque complètement de la péninsule arabique et des pays d'islam. Et c'est devenu donc à notre époque presque impossible de trouver un esclave dans les pays d'islam. Il n'y a que dans certains endroits, dans de rares endroits comme en Mauritanie, où on peut encore en trouver. Donc ça, c'est un fait. Et il convient aussi de rappeler que l'esclavage en islam n'est comparable sur aucun plan avec l'esclavage qui a été pratiqué en Occident. Ça n'a aucun rapport. Donc ce n'est comparable sur aucun plan avec l'esclavage qui a été pratiqué, avec la traite négrière telle qu'elle a été pratiquée en Occident. Ceci car l'esclavage en islam se fait sur une base religieuse. L'esclavage en islam se fait sur une base religieuse, alors que l'esclavage, la traite négrière d'Occident, elle a été faite sur une base raciale et raciste. Et elle a été faite dans l'objectif, ça a été quelque chose qui a été réfléchi et fait dans l'objectif du gain. Ça a été fait dans l'objectif, sur une base raciale, raciste et dans l'objectif du gain. Uniquement dans l'objectif du gain. Donc de l'exploitation de ces esclaves pour un gain matériel. Alors que l'esclavage en islam, ce n'est que sur une base religieuse. L'esclavage en islam, ce n'est que sur une base religieuse. Ce n'est qu'après combat que les non-musulmans vaincus peuvent être réduits à l'état d'esclaves. Et ceci, quelle que soit leur race et leur situation. On ne regarde pas si, c'est, par exemple, si ce sont les nobles de leur communauté ou pas. C'est le même jugement pour tout le monde. Contrairement donc à l'esclavage pratiqué en Occident qui a été faite sur une base raciale et raciste et qui a été donc bâti sur le fruit de qui découle donc de l'esclavage en Occident, ça découle de la négation de l'humanité de l'homme noir. Ça découle de la négation de l'humanité de l'homme de couleur noire. Et cela donc considérait que le noir n'est pas un être humain. C'est pour cela qu'ils n'avaient donc aucune gêne à leur faire subir donc les pires sévices. Or, en islam, par contre, il est interdit de prendre un homme libre et d'en faire un esclave si ce n'est pas à l'issue d'une guerre. Si ce n'est pas à l'issue d'une guerre. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Talatatun, ana khas, talatatun. انا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه خصمته ذكر منهم رجل باع حرا فاكل ثمنه. Donc dans ce hadith qui est rapporté par al-Bukhari, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: trois personnes dont je serai l'adversaire le jour du jugement. Et celui dont je suis l'adversaire sera vaincu. Et il a cité parmi les trois quelqu'un qui a vendu un homme libre et a mangé de ce gain. Quelqu'un qui a vendu un homme libre et a mangé de ce gain. Donc c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari. Et donc ce hadith est une preuve qu'il est interdit en islam de prendre un homme libre et d'en faire un esclave et le vendre. C'est interdit en islam. L'islam a donc restreint les causes d'esclavage à une seule, qui est le fait de combattre Allah et son prophète et de combattre les musulmans. Donc celui qui combat l'islam et les musulmans s'expose donc à devenir esclave s'il est vaincu. Sauf si le dirigeant musulman qui mène cette guerre a décidé autrement. Sauf si le dirigeant musulman qui mène cette guerre a décidé autrement. Il peut par exemple décider de les libérer. Il peut décider de les libérer ou bien de les rançonner. Il peut décider de les libérer ou bien de les rançonner. Comme ça a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains. Donc avec certains qu'il a libérés. Donc si le dirigeant musulman il voit qu'il y a un intérêt à le faire, il peut tout simplement les libérer ou bien demander une rançon par rapport à eux. Donc, l'islam a donc restreint les causes d'esclavage Alors qu'avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement de l'islam, les causes d'esclavage étaient multiples. Les causes d'esclavage avant l'islam étaient multiples. La pauvreté, par exemple, c'était une cause d'esclavage. La dette, c'était une cause d'esclavage. Quelqu'un qui devait de l'argent à un autre et qui ne pouvait pas rembourser se constituait en esclave pour celui-ci. Ça, c'est des choses qui existaient donc avant l'avènement de l'islam. Le braquage, l'attaque à main armée et le kidnapping, c'était des causes d'esclavage. Avec donc en plus les guerres. Avec en plus les guerres. Ceci existait déjà donc. Toutes ces causes-là existaient déjà avant l'islam. Et donc l'islam a restreint, a éliminé toutes les autres causes en n'en gardant qu'une seule qui est la guerre avec les musulmans. La guerre avec les musulmans, c'est là donc la seule cause donc légiférée en islam pour faire d'un homme libre un esclave. Et ici chez nous en Afrique, c'est connu. Jusqu'à une époque récente, cela se faisait dans les guerres entre tribus. La tribu, par exemple, qui gagnait la guerre, réduisait les perdants à l'esclavage. Et surtout leurs femmes. Et surtout leurs femmes. Donc la tribu qui gagnait la guerre réduisait l'autre tribu à l'esclavage. Et surtout leurs femmes. Et ça, c'est connu. Cela nous a été rapporté par nos grands-parents. Et donc, c'est quelque chose qui est connu. Et donc, ceci n'est pas lié à l'islam. C'est un fait qui est établi avant l'avènement de l'islam et qui s'est poursuivi donc chez les non-musulmans après l'islam à une époque récente, jusqu'à l'époque de nos grands-parents. Donc, comme preuve que l'enlèvement et le kidnapping et autres et la pauvreté c'était des causes d'esclavage avant l'islam. Il y a l'histoire de Youssouf. Il y a l'histoire de Youssouf, alayhi salam, dans la sourate qui porte le même nom, où Allah Azzawajal nous a rapporté, donc, Allah Azzawajal nous a rapporté dans son noble livre, donc, comment les frères de Youssouf l'ont vendu comme esclave. Et des gens faisant partie d'une caravane d'Égypte l'ont acheté. Qala Allah Azza wa Jal. Wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda. En traduction approximative du sens. Et ils l'ont vendu à vil prix pour quelques dirhams comptés. Et ils l'ont vendu à vil prix pour quelques dirhams comptés. Donc, ceci est un fait qui était déjà établi avant l'islam. Avant l'islam, donc, le kidnapping, l'attaque à main armée. Voilà, dès que des bandits attaquaient une caravane, par exemple, ils pouvaient donc faire des gens qu'ils ont kidnappés des esclaves. Et la pauvreté aussi, donc, était une cause d'esclave. Quelqu'un qui est trop pauvre. Il devenait esclave des gens pour pouvoir pour que les gens s'occupent de lui et voilà. Donc c'est des choses qui existaient. Quelqu'un qui est dans une extrême pauvreté donc devenait esclave de quelqu'un de riche. Donc c'est des choses qui existaient donc avant l'islam et l'islam a donc réduit les causes d'esclavage. Hein, l'islam qui a une législation de miséricorde est donc venu réduire les causes d'esclavage à une seule, qui est de combattre l'islam et les musulmans. Tandis que l'islam a multiplié les causes d'affranchissement. Donc, l'islam a réduit les causes d'esclavage à une seule, tandis qu'il a multiplié les causes d'affranchissement des esclaves. Qui sont nombreuses dans le kitab et la sunna. Qui sont nombreuses dans le kitab et la sunna. Ceci en faisant de l'affranchissement d'un esclave une cause d'expiation des péchés. On l'a déjà vu hein, dans de nombreux cas, lors du siyam, lors du hajj, Il y a de nombreux cas donc dans le Kitab et la Sunna où donc la condition d'expiation du péché, d'un péché est donc l'affranchissement d'un esclave. L'affranchissement d'un esclave. Et l'islam a donc parachevé cela en faisant donc de l'argent de la zakat donc un instrument d'affranchissement des esclaves. L'islam donc a parachevé cela. Cet objectif-là a été parachevé en faisant donc de l'argent de la zakat une cause donc en consacrant une partie de l'argent de la zakat donc pour à cet effet pour l'affranchissement des esclaves. Et parmi les arguments qui font que la traite négrière pratiquée en Occident n'est comparable sur aucun plan avec l'esclavage pratiqué en Islam, c'est que en Islam, par exemple, il est recommandé de manger la même nourriture et se vêtir des mêmes habits. Donc, il est recommandé de manger la même nourriture, de donner à son esclave la même nourriture qu'on mange. Il est recommandé de donner à son esclave la même nourriture qu'on mange et de le vêtir des mêmes habits qu'on porte. Ça, c'est la recommandation prophétique. Donc, pour faire court, je n'ai pas le temps ici de citer toutes les preuves. Il est interdit de les humilier. Il est interdit en islam d'humilier ou bien d'accuser un esclave de ce dont il est innocent. Leur honneur est préservé. Il est recommandé d'être bienfaisant envers eux et ne pas être injuste. D'ailleurs, à ce propos, il est rapporté d'Abdurrahman ibn Auf que lorsqu'il marchait au milieu de ses esclaves, on ne pouvait distinguer qui est le maître et qui est l'esclave, tellement l'humilité qu'il affichait avec eux et le fait qu'il les traitait et se comportait avec eux comme des semblables et des égaux. Donc quand il marchait au milieu de ses esclaves, on ne pouvait pas distinguer parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils suivaient à la lettre les recommandations prophétiques. Donc lorsque tu manges la même nourriture que ton esclave et que tu portes les mêmes habits que lui et que tu es bienfaisant avec lui et que tu le considères comme ton semblable dans le comportement, c'est clair qu'on ne peut pas distinguer qui est donc le maître, qui est l'esclave. On ne peut pas distinguer qui est donc le maître et qui est l'esclave. Et donc c'était ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportaient avec leurs esclaves. Et ça, ce sont donc les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses compagnons appliquaient. Et parmi les autres arguments aussi, il y a le fait que l'esclave en islam, il lui est permis à tout moment de se racheter auprès de son maître avec de l'argent ou des biens et de devenir donc libre. À tout moment, il peut racheter sa liberté avec de l'argent ou des biens. Et en islam, il est permis à l'esclave à l'esclave de devancer l'homme libre sur des actes de la dunya ou de la religion qu'il maîtrise. Il est permis à l'esclave donc de devancer l'homme libre dans des choses de la dunya ou bien du din qu'il maîtrise mieux que l'homme libre. Il est par exemple permis à l'esclave d'être imam. Il est permis à l'esclave d'être l'imam des hommes libres dans la prière. Et il est permis qu'il soit leur dirigeant. Il est permis à l'esclave qu'il soit leur dirigeant, leur émir. Ça, c'est des choses par lesquelles l'esclavage en islam se distingue de la traite négrière. C'est pour ça que ça ne peut pas être comparable. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عليكم بالسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد حبشي. Le hadith est dans les Sunan d'après l'Irbad ibn Sariya. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: écoutez et obéissez. Même si vous avez comme émir dirigeant un esclave éthiopien. Écoutez et obéissez. Il s'adresse à ses compagnons. Écoutez et obéissez. Et il s'adresse à ses compagnons et à sa umma, à sa communauté, ceux qui viennent après lui. Écoutez et obéissez, même si vous avez comme émir, comme dirigeant, un esclave éthiopien. Ceci donc montre que un esclave peut devenir donc dirigeant des musulmans. Un esclave peut devenir donc émir et dirigeant des musulmans. Et il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Nafi ibn Abdul Harith, qu'il a rencontré Omar ibn al-Khattab à un endroit appelé Osfan. Et il rapporte donc qu'à cette époque, Omar l'avait mis comme gouverneur de Mecca. Omar l'avait mis comme gouverneur de Mecca. Donc Nafi ibn Abdul Harith, radiallahu anhu, il avait été mis comme gouverneur de Mecca par Omar. Et donc, lorsqu'il a rencontré à cet endroit appelé Osfan, il demanda à Omar: qui as-tu mis comme gouverneur des gens de l'Ouadi? Qui as-tu mis comme gouverneur des gens de l'Ouadi? Et Omar lui répondit: Ibn Habza. Et Nafir lui demanda: c'est qui Ibn Habza? Omar lui répondit: c'est un parmi nos esclaves affranchis. Et Nafir, une façon de s'étonner de cela, il lui demanda: tu leur as mis comme gouverneur un esclave affranchi? Tu leur as mis comme gouverneur un esclave affranchi? Donc une manière de s'étonner de cela. Et Omar ibn al-Khattab lui répondit: innahu qari'un li kitabillah azza wa jal wa innahu 'alimun bil fara'id. إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض أما إن النبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ayant compris où il voulait en venir, il lui a donc répondu: il est un récitateur du livre d'Allah, quelqu'un qui maîtrise sa récitation. Et il est un savant des règles de l'héritage. Et certes, votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah élève des gens par ce livre. Allah élève des gens par ce livre et en rabaisse d'autres. Allah élève des gens par ce livre et en rabaisse d'autres. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il a compris où il voulait en venir et donc, il lui a donné les arguments. Les arguments du fait qu'il est choisi celui-là pour être émir des gens de l'Ouadi, malgré que c'est un esclave affranchi. Donc il lui a donné les arguments, deux arguments. Il maîtrise la récitation du livre d'Allah. Et ceci nous montre que les compagnons du prophète, ils suivaient les recommandations du prophète à la lettre. Donc peu importe la situation de la personne, on regarde ce qui est profitable aux musulmans. On regarde l'intérêt des musulmans. Et Omar ibn al-Khattab, il était connu pour ça, pour être intransigeant. Il ne regardait pas ce que les gens ils vont dire ou ce qu'ils vont penser. Il appliquait le kitab et la sunna. Il appliquait le kitab et la sunna. Et c'est donc pour ça que ses compagnons-là se sont distingués des autres. C'est donc pour ça que le khulafa al-Rashidin, comme les a appelés le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les califes bien guidés, se sont distingués des autres parmi les compagnons. Donc il lui a donné deux arguments: il est un récitateur, il maîtrise la récitation du livre d'Allah, et il est un savant, hein, un savant des règles de l'héritage. Ceci montre donc, comme on a déjà parlé plusieurs fois, que Là, c'est parmi donc les arguments de ce qu'on appelle as-siyasatu shar'iyya, ce qu'on appelle la politique légiférée. Qu'en islam, lorsqu'on nomme des gens à des postes de responsabilité, ce qui prime, c'est la science. Ce qui prime, c'est la science et la maîtrise de la connaissance du livre d'Allah et de la sunna. C'est ce qui prime. Parce que voilà les arguments que Omar ibn Khattab donne. Il n'a pas dit, oh, il sait bien gérer, il est gentil, il est pieux ou il est ceci, cela. Il a donné les arguments qu'il a donnés et c'est parmi les. Ça montre les mérites de la science. Ça, c'est parmi les arguments qui montrent les mérites de la science. Donc, le fait qu'il ait nommé comme gouverneur des gens, malgré que c'est un esclave affranchi, qu'il ait nommé gouverneur des gens, ce n'est que par rapport à sa science et sa maîtrise du livre de la récitation du livre d'Allah. Ce n'est que par rapport à sa science et sa maîtrise de la récitation du livre d'Allah que Omar ibn Khattab l'a nommé à ce poste-là. Et il a donc mis fin à tout débat possible en rapportant donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit donc que Allah azawajal élève des gens par ce livre et en rabaisse d'autres. Ceci donc montre la justice et la justesse de la législation islamique parce que dans la législation islamique, quelqu'un qui est un esclave donc peut se retrouver quelqu'un qui est un esclave peut se retrouver à diriger des hommes libres, à diriger des hommes libres parmi les musulmans et étant élevé par sa connaissance du livre d'Allah et sa connaissance de la sunna. Et les cas comme ça sont nombreux. Si je cite des cas comme ça, d'autres cas comme ça dans l'histoire islamique où des esclaves ou des esclaves affranchis sont devenus des savants au point où même des émirs venaient avec humilité prendre la science d'eux, même des groupes, des dirigeants venaient s'humilier auprès d'eux pour apprendre la science. Il y a des exemples, les exemples sont nombreux. Et donc ça montre que l'esclavage en islam n'a aucun rapport avec la traite négrière, aucun. Donc ceci démontre clairement que l'esclave en islam peut donc être amené à occuper des hautes fonctions et à gouverner s'il lui est reconnu cette capacité et les qualités requises pour cela. Peu importe sa couleur, peu importe sa tribu, son ethnie ou son origine. Donc voilà en quoi l'islam se distingue de l'esclavage en islam se distingue donc de la traite négrière. Pratiquée telle qu'elle a été pratiquée en Occident. Et donc, ces comportements qu'on a vus, donc, qui ont été légiférés, les comportements qui ont été recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les comportements que le musulman doit avoir avec son esclave, ces comportements-là, c'est ce qui est donc légiféré. Et c'est ce qui est donc recommandé en islam. Le fait de nourrir l'esclave de la même nourriture qu'on mange, de le vêtir des mêmes vêtements, d'être bienfaisant envers lui, de ne pas être injuste envers lui, de ne pas l'accuser, respecter son honneur. Hein, et reconnaître son mérite, s'il en a un. Reconnaître son mérite, s'il en a un. Donc, c'est l'islam qui nous a été demandé d'appliquer. Et si des musulmans, à notre époque, n'appliquent pas cela et préfèrent donc suivre leur passion et préfèrent se laisser aller à l'orgueil au lieu de suivre la sunna, l'islam est donc innocent de leurs agissements. L'islam est donc innocent de leurs agissements parce que, à notre époque, il y a des gens, malheureusement, ils sont donc dans ces genres de choses, dans le racisme, dans l'orgueil et dans différentes donc, pratiques qui sont ou comportements qui sont contraires à ce que nous demandent le kitab et la sunna. Et donc l'islam est donc... Et malheureusement, ces comportements-là sont attribués à l'islam parce que ce sont des gens qui donc... Ce sont des gens qui sont affiliés à l'islam. Mais la réalité est que le kitab et notre religion, c'est le kitab et la sunna. C'est pas ce que font les gens. Notre religion, l'islam, c'est le kitab et la sunna et non pas ce que font les musulmans. Même si une grande majorité des musulmans pratiquent certaines choses ou ont certains comportements, ce n'est pas ça qui est l'islam. L'islam, c'est قال الله وقال رسول وقال الصحابة. Et ceux qui les ont suivis dans cette voie. Et donc, on ne peut pas imputer les agissements des fautifs et des égarés à cette noble religion. Et je précise donc que j'ai essayé de faire court pour ne pas trop m'étendre sur le sujet car ce n'est pas l'objet de notre cours. Et Inch'Allah Ta'ala, je vais détailler donc, je vais détailler Inch'Allah, bi'idhnillah Azzawajal, les arguments et les preuves sur ce sujet dans une mise en garde que je suis en train de préparer sur donc ces courants, le panafricanisme, l'afrocentrisme et le kémitisme ou le kamitisme, donc, et pour répondre aux ambiguïtés qui sont véhiculées par cela et qui pourraient donc semer la confusion auprès de nombreux frères qui peuvent être séduits par leur discours. Wabillahi tawfiq. Maintenant, nous allons voir, après ceci, donc on poursuit notre cours et nous allons donc voir maintenant, après avoir ciblé les bénéficiaires de la zakat, maintenant nous allons donc cibler ceux à qui il n'est pas permis de verser la zakat. Nous allons cibler ceux à qui il n'est pas permis la zakat. Et ceux pour qui la zakat n'est pas licite. Ceux à qui il est interdit de toucher l'argent et les biens issus de la zakat. Première catégorie donc, le kafir, le mushrik. Le kafir, le mushrik, le mécréant, le polythéiste, il n'est pas permis de lui verser la zakat. Sauf si il fait partie de ceux dont les cœurs sont à gagner. Al-mu'allafatu qulubuhum. Donc, il est interdit donc de verser la zakat aux mécréants ou aux polythéistes, sauf s'il fait partie de ceux-là, ceux dont les cœurs sont à gagner. Et qu'il y a donc des indices qui laissent à penser qu'ils peuvent entrer dans l'islam. Il n'est donc pas permis, suivant ce jugement et sachant que la vie le plus juste est que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman, il n'est donc pas permis de verser la zakat à celui qui délaisse la prière. Il n'est pas permis de verser la zakat à celui qui délaisse la prière. Et il n'est pas permis de verser la zakat à celui qui est un mushrik. Même s'il fait la prière et qu'il jeûne, si on voit quelqu'un qui fait des actes de polythéisme, des actes faisant sortir de l'islam, même s'il prie et il jeûne, etc. Donc, même s'il prie et il jeûne et qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, si on le voit accomplir des actes de polythéisme clairs, il n'est pas permis donc de lui verser la zakat, car c'est un mushrik. C'est un mushrik et le mushrik n'est pas musulman. Donc si tu vois quelqu'un par exemple égorgé pour autre qu'Allah, aller chez les marabouts, pratiquer des actes de sorcellerie, faire des actes d'adoration sur les tombes des soi-disant saints ou wali, hein? Donc il n'est pas permis donc de verser à ce genre de personne la zakat parce qu'il n'est pas considéré donc comme musulman, puisque l'islam est venu pour établir le tawhid. Et c'est pour ça que Quraysh, ils ont refusé de dire cette parole la ilaha illallah, parce qu'ils savaient que Cette parole impliquait de délaisser l'adoration de d'autres qu'Allah Azawajal et de n'adorer qu'Allah seul. Donc, si quelqu'un à notre époque, il adore Allah, mais il adore aussi les saints, il adore aussi le wali, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas un musulman parce que l'islam est venu pour rendre l'adoration d'Allah exclusive et rejeter l'adoration de tout autre que lui. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas permis de leur verser la zakat, sauf si donc, comme on l'a dit, ils sont donc des gens dont les cœurs sont agaillés et dont on voit qu'ils peuvent se repentir. Ils peuvent se repentir de cela et revenir à l'islam authentique. Et donc, ce jugement, donc, l'imam Ibn Qudama, donc, il a rapporté l'ijma par rapport à ce jugement. Par rapport à ce jugement qui n'est pas permis donc de verser la zakat à un kafir. Deuxième catégorie de personnes à qui il n'est pas permis de verser la zakat et dont il n'est pas permis à qui il n'est pas permis de toucher la zakat, donc c'est Al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, donc la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont Banu Hashim. Et la preuve de cela, c'est donc le hadith donc qui est dans Sahih Muslim, d'après Abdel Muttalib ibn Rabi'a. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna sadaqata la tanbari. La tanbari li Ali Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Donc, dans ce hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la sadaqa, et il s'agit ici donc de la zakat. La sadaqa, il s'agit donc ici de la zakat, ne convient pas à la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les saletés des gens, les saletés ou les déchets des gens. L'imam al-Wazir ibn Hubayra rapporte l'unanimité des savants sur le fait que la sadaqa obligatoire, c'est-à-dire la zakat, est interdite à Banu Hashim, qui sont donc la descendance de Hashim ibn Abd al-Muttalib. Hashim ibn Abd al-Muttalib qui est donc l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Banu Hashim est composé de 5 familles. La famille de l'Abbas, radiallahu an, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La famille d'Ali, radiallahu an. La famille de Ja'far, radiallahu an, qui est le frère aîné de Ali. La famille de Aqil, radiallahu an, qui est le frère aîné de Ja'far et Ali. Aqil, qui est le frère aîné de Ja'far et Ali. Et enfin, la descendance de Harith ibn Abd al-Muttalib. L'imam, donc, Ibn Hubayra, a bien précisé sadaqa obligatoire, parce que, donc, la sadaqa surérogatoire leur a été permise. La sadaqa surérogatoire leur a été permise. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul à qui il a été interdit toute forme de sadaqa, qu'elle soit obligatoire ou non. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a opté donc pour cet avis dans son commentaire d'El Mumti'a. Et l'argument par rapport à cela, c'est que donc la raison de l'interdiction de la zakat est que ce sont donc les saletés, les déchets des gens, alors que la sadaqa surérogatoire, donc, c'est pour se faire pardonner les péchés et espérer la miséricorde d'Allah et sa récompense, et elle ne fait donc pas partie des saletés des gens. Donc, ne faisons donc pas partie des saletés des gens. Donc, il a été permis donc à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de prendre de cette sadaqa et il leur a été interdit de prendre. Donc les sadaqas surrogatoires, cela leur a été permis en dehors de la zakat qui leur est interdite. Et donc ceci est l'avis le plus juste. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah aussi a opté pour cet avis dans son livre Minhaj al-Sunnah, dans le volume 4, page 261. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, donc il opte pour cet avis et il rapporte que ce sont eux-mêmes donc les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disaient. Hein? Ce sont eux-mêmes les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disaient que la sadaqa surrogatoire leur a été permise. Il n'y a que la sadaqa obligatoire, az-zaka, qui leur a été interdite. Et l'imam Ibn Abdel Barr, dans son livre At-Tamhid, l'imam Ibn Abdel Barr, dans son livre At-Tamhid, donc il dit les paroles suivantes. Il dit les paroles suivantes, Rahimahullah. مما يدلك على صحة ذلك أن عليا والعباس وفاطمة رضي الله عنهم وغيرهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr dit dans son livre Tamhid, ce qui indique la véracité de cela, c'est-à-dire de la vie qu'on a citée, disant que la sadaqa surrogatoire est permise à Ahlul Bayt, aux gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui indique la véracité de cela est que Ali, Al-Abbas et Fatima, qu'Allah les agrée, et d'autres ont fait des sadaqas et des awqaf à un groupe de Bani Hashim. Les awqaf c'est le pluriel de waqf. Donc le waqf c'est une sadaqa jariya, donc une sadaqa continue. Ça veut dire que par exemple tu peux donner quelque chose comme aumône et tu laisses ça en waqf pour que ça soit d'utilité pour les musulmans. Ça soit d'utilité pour les musulmans. Par exemple, un puits, tu creuses un puits et tu en fais un waqf. Tu dis que voilà, ça c'est pour les musulmans. Tu peux donner des livres en waqf. Ça veut dire que tu laisses des livres et tu dis que ça c'est un waqf, c'est un don qui est circonscrit pour d'utilité publique. Voilà, en fait, c'est le sens de ça, de waqf, c'est un don d'utilité publique que tu laisses et qui se poursuit. Donc ça peut rester même, ça peut être donc une sadaqa jariya qui reste, qui t'est bénéfique même après ta mort. Donc par exemple, tu peux donner une voiture. Par exemple, donner une voiture et tu la laisses en waqf. Tu dis que ça, c'est pour servir. Je laisse cette voiture. C'est un waqf pour les musulmans. Donc, tout musulman qui aura besoin, qui est dans le besoin, il peut utiliser cette voiture. C'est un exemple que je prends. Donc, on peut laisser des objets comme ça, ou bien on peut donner des biens comme ça qu'on laisse comme waqf. Tu peux donner, par exemple, des troupeaux et tu dis que voilà, le lait de ces troupeaux-là ou la viande de ces troupeaux elle servira donc pour nourrir ton troupeau-là. Tu le laisses en waqf pour les besoins des musulmans. Bref, les exemples sont nombreux. Donc c'est ça qu'on appelle donc awqaf. Donc tu peux donner quelque chose, tu peux faire un don et puis tu fais que ce don soit continu. Donc comment j'ai dit ça tout à l'heure, ça veut dire que c'est quelque chose que tu en fais quelque chose de bloqué pour l'utilisation des musulmans. Donc c'est ça un waqf. Et donc L'imam Ibn Abd al-Barr ici, donc, rahimahullah, il dit donc que ce qui indique la véracité de cet avis-là, c'est que Ali et l'Abbas et Fatima et d'autres ont fait des sadaqat et des awqaf à un groupe de Bani Hashim. Et leurs sadaqat dont ils ont fait des awqaf sont connus et célèbres. Donc, ceci montre donc que, ceci prouve donc que Banu Hashim, ils ont donc consommé des sadaqat qui étaient surérogatoires. Ce qui montre donc que Banu Hashim, ils ont consommé donc des sadaqat qui étaient surérogatoires parce que ils ont donc utilisé des awqaf qui ont été faits par Ali al-Abbas et Fatima et d'autres. Donc ils ont utilisé donc de ces awqaf là et c'était licite pour eux. Et c'est ce que Cheikh l'Islam rapporte que eux-mêmes disaient que c'est seulement la sadaqa obligatoire qui leur a été interdite, pas la sadaqa surérogatoire. Et il est donc important de préciser et d'expliquer que la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama hiya awsakhun nas, ce sont les saletés des gens, ce ne sont que les saletés des gens. Cette parole n'est pas donc à prendre au premier degré. Cette parole n'est pas à prendre au premier degré car certains donc pourrait mal comprendre et mal interpréter et dire que la zakat, par exemple, il pourrait dire que certaines personnes qui pourraient mal comprendre et dire, par exemple, que la zakat, c'est de l'argent sale, je n'y touche pas, ou des choses de ce genre. Donc, les savants ont expliqué ce hadith, ont commenté ce hadith et expliqué ce hadith, et ils ont fait comprendre donc que c'est dans le sens spirituel. C'est dans le sens spirituel, non pas que ce soit réellement des saletés. Sinon, ça ne serait permis à personne de consommer de cet argent. Mais c'est expliqué par le fait que Allah Azzawajal a dit dans son noble livre, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَاهِرُهُمْ. Allah Azzawajal a dit en traduction approximative du sens, le verset qu'on a déjà cité, prends de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies. Donc en parlant de la zakat. Donc, on peut donc considérer que ce dont tu es purifié te salit. Donc c'est dans ce sens là comme la zakat c'est une purification des biens et des personnes, la zakat est une purification des biens et des personnes comme le prouve ce verset du Coran. Et donc on peut considérer que ce dont tu es purifié te salit. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est les saletés des gens, puisqu'ils en sont purifiés. La zakat vient donc pour purifier les biens des gens et leurs personnes. Et donc en interdisant cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille, Allah azawajal, qui est l'omniscient, a donc voulu fermer, par cette interdiction, la porte à ceux qui auraient voulu donc s'attaquer à eux, s'attaquer au prophète et à sa famille et les dénigrer par ce biais-là. Certaines personnes auraient pu s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille par ce biais-là en disant que ils consomment de ce dont les gens se sont délestés, c'est ça qu'ils consomment. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été interdit à lui parce que lui il a un statut plus élevé que sa famille, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un statut plus élevé que sa famille. C'est pour ça que lui, toutes les sadaqat lui ont été interdites, qu'elles soient surérogatoires ou bien la sadaqa obligatoire. Donc, pour éviter donc que les gens ne puissent entrer par ce biais-là, parce que on sait que la sadaqa, même la sadaqa surérogatoire, comme on dit, c'est venu dans un hadith aussi, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Le prophète donc ayant un statut élevé dans cette communauté, il n'est pas permis donc même dans la pensée les gens puissent s'imaginer que parce qu'il reçoit une sadaka de telle personne, cette personne serait supérieure à lui. Donc c'est pour ça que ces portes ont été fermées, donc en interdisant au prophète de manger de toutes sortes de sadaka. Donc ça, c'est sa particularité, c'est particulier à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie des signes de la prophétie. Mindala il al-Nubuwa. Donc ça fait partie des signes de la prophétie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de la sadaqa, comme cela est rapporté dans le hadith de Bouraïda, qui a été authentifié par l'imam al-Albani et par l'imam al-Wadi. Lorsque Salman al-Farisi radiallahu anh est arrivé à Médine, parmi les signes qui lui ont fait reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrasser l'islam, est qu'il a donné au prophète des dattes comme sadaqa. Il a donné au prophète des dattes comme sadaqa, et celui-ci a fait manger ses compagnons et il n'y a pas touché. Et il est revenu le lendemain. Salman est revenu le lendemain. Salman radiallahu anh, il est revenu le lendemain avec la même chose, disant cette fois-ci que c'était un cadeau, hadiya, c'était une hadiya et non pas une sadaqa. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mangé. Et donc, connaissant les signes, Salman connaissant les signes de la prophétie. Et dans ce hadith-là, il y en a d'autres. Donc, Salman connaissant les signes de la prophétie, il a donc reconnu que le prophète, il a donc reconnu la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cela, le fait qu'il ne mange pas de la sadaqa. Qu'il ne mange pas de la sadaqa. Et donc, il a embrassé l'islam après avoir vu clairement les signes de la prophétie, reconnu clairement les signes de la prophétie. Et Allah Azzawajal donc a interdit cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a interdit la zakat à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a accordé donc une partie du butin de guerre. Il leur a accordé une partie du butin de guerre. Ils ont droit au un cinquième, ils ont droit au un cinquième du cinquième du butin de guerre. Donc lorsque les musulmans gagnent une guerre, il y a un butin de guerre qui se constitue, qu'on appelle al-ranima. Donc le butin de guerre est divisé en 5, le butin de guerre, les 4 cinquièmes du butin de guerre reviennent donc aux combattants, à ceux qui ont amassé ce butin de guerre. Les 4 cinquièmes leur reviennent, et les 1 cinquième donc restants, les 1 cinquième restants sont divisés en 5 parts. C'est ce qu'on appelle donc el-khumus. Donc el-khumus, c'est les 1 cinquième du butin de guerre. Et donc Ahlul Bayt, donc les gens de la famille du prophète, ils ont droit à 1 cinquième du 1 cinquième. Parce que donc le 1 cinquième là, el-khumus, il est donc divisé en 5 parts. Donc la première part, elle est pour Allah et son messager, et pour les besoins des musulmans. C'est ça qu'on appelle el fay, ou bien l'argent qui est dans Baytul Mal, dans le trésor, dans la maison des biens. Baytul Mal, c'est dans la traduction littéraire, c'est la maison des biens, et ça pourrait être considéré comme le trésor public dans un État. Donc, c'est un genre de trésor public, et donc c'est là où est mis cet argent-là, donc qui est pour Allah et son messager, et pour les besoins des musulmans. Et il y a donc, ça c'est donc une part de l'Khumus. Et la deuxième part, donc, c'est pour les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Benu Hashim. Ils ont donc un cinquième de un cinquième. Khumus al-Khumus. Et la troisième part, c'est pour les orphelins. La troisième part, c'est pour les orphelins. La quatrième part, c'est pour donc Al-Masakin. Et la cinquième part, pour Ibn Sabil, pour le voyageur en détresse. Donc c'est ça, donc c'est comme ça donc que ces 1 cinquième là sont répartis en 5 parts. Et donc les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, donc Al Muhammad, ils ont droit donc à 1 cinquième de ces 1 cinquième là. Donc Allah azawajal les a mis à l'abri à travers cela. Et c'est donc pour cela que des savants comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et l'imam Ibn Baz, l'imam Ibn Baz, donc, il a rejoint Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans cet avis. Ils disent que s'il n'y a pas de khumus, s'il n'y a pas de khumus, donc de 1 cinquième du butin de guerre, s'il n'y a pas de butin de guerre et de 1 cinquième qui en découle, et qu'on n'a pas, on ne trouve pas de Baytul Mal pour les musulmans, de trésor, de trésor public pour les musulmans, comme à notre époque, comme c'est le cas à notre époque donc, comme c'est le cas à notre époque. Dans ce cas-là, ces savants-là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et l'imam Ibn Baz, il a suivi dans cet avis, ils sont d'avis qu'il est permis donc à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre de la zakat. Il est donc permis de, il leur est permis de prendre de la zakat. Et notre cher Abdul Hamid Al-Hajouri, Hafizallah, donc il voit que ceci n'est valable seulement que. Et d'autres savants aussi, ils voient que cette fatwa-là n'est valable que pour les cas où ils sont vraiment dans une daroura. Dans une daroura, ça veut dire c'est des cas de nécessité absolue, dans une situation difficile ou dans une pauvreté extrême, et ils sont vraiment dans le besoin. Ils sont vraiment dans le besoin. C'est donc l'avis donc de ces savants-là par rapport à cette situation. Et donc c'est donc pour cela donc que c'est donc pour cela donc que ça a été donc interdit donc. Ça leur a été interdit de consommer l'argent de la zakat parce qu'ils avaient donc, ce qui leur permettait de subvenir à leurs besoins sans avoir besoin de toucher à l'argent de la zakat. Allah Azzawajal leur a donné, leur a attribué autre chose. Autre chose. Et donc, pour préserver leur honneur et pour ne pas que certaines personnes commence à vouloir les dénigrer à travers le fait qu'ils consomment de l'argent de la zakat. Et Allah Azzawajal donc a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela en lui interdisant toute forme de sadaqa, toute forme de sadaqa, ce qui montre son statut élevé auprès de sa communauté, ce qui montre son statut élevé et sa noblesse auprès des gens de sa communauté. Donc voilà ce que on pouvait dire. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.